à 13, assez, un peu, beaucoup, davantage. Kifaya, qalil, kathir, mazid. Écoutez et répétez. Avez-vous assez de pain? هل عندك كفاية من الخبز؟ Avez-vous assez de lait? هل عندك كفاية من الحليب؟ Je n'ai pas assez de temps. ما عندي كفاية من الوقت. Nous avons assez mangé. اكتفينا من الأكل. J'ai assez dormi. اكتفيت من النوم. Ils n'en ont jamais assez. لا يكتفون بشيء. Voulez-vous un peu de sel? هل تريد قليل من الملح؟ Je ne veux pas beaucoup de thé. لا أريد كثير من الشاي. Voulez-vous un peu plus d'argent? هل تريدون مزيد من المال؟ Je ne veux pas prendre davantage de votre temps. لا أريد أن آخذ أكثر من وقتك. Il est trop tôt. الوقت باكر كثيرا جدا. Il est trop tard. الوقت متأخر جدا جدا. Il est trop gentil. إنه لطيف أكثر من اللازم. Il y a trop de voitures. هناك زحمة سير كبيرة جدا. Il y a trop de bruit. هناك ضجة هائلة.